On va parler de baseball avec et de hockey avec un gars que j'aime beaucoup, François Paquette. Salut François. Salut Danny, ça va bien? Ça va bien, ça va bien. François, évidemment, je veux te parler du Canadien contre les Jets. Beaucoup s'excitent et avec raison, là. Faut quand même. Moi, il faut pas être négatif, faut pas être dire ça fait du bien au moral. Quand le Canadien est là, ça fait du bien au moral de la société. Oui, là, il y a beaucoup de comparaisons avec 93. Je suis bien d'accord avec ça. C'est un groupe, oui, qui ressemble à 93. Par contre, de parler de Coupe Stanley, puis parler de tapeux, là. Quelque part, là, il y a une grosse différence. C'est qu'en 86, les Oilers d'Edmonton avaient été sortis par les Flames, et en 93, les Penguins de Pittsburgh avaient été sortis par les Islanders. Est-ce que sache, Vegas ou Colorado et Tampa, ils sont encore là. C'est ça la grosse différence, là. Je suis entièrement d'accord avec toi parce que, écoute, je me rappelle encore de 1993 quand les Islanders avaient éliminé Pittsburgh en prolongation dans le septième match. Je me disais, ouais, soudainement, la voie s'ouvre. Puis là, le Canadien, au lieu d'affronter les Maple Leafs, en finale, affronte un club comme les Kings qui n'avaient pas de mauvaise équipe. Et, tu sais, il y a des similitudes, oui et non, mais je suis d'accord avec toi que moi, je regarde plus le portrait global. Puis je pense que l'exploit est fabuleux de sortir de cette division-là quand tu as terminé quatrième et que tu n'as pas eu une grande saison. Mais le défi est de taille pour la suite. Je pense, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, moi je trouve que l'Avalanche a une meilleure équipe que les Golden Knights. Mais évidemment, c'est deux clubs qui se ressemblent, puis le défi va être de taille. Mais je suis convaincu que de l'autre côté, peu importe si c'est Boston ou les Islanders, j'ai l'impression que Tampa est une coche au-dessus Ben que ces oui. deux équipes. Puis pas juste ça non plus. Je pense qu'hier, la défaite de l'Avalanche fait très mal. Tu mènes 2 à 0 à domicile dans un cinquième match contre l'adversaire, tu te fais remonter. Je dis pas qu'ils sont dans les câbles, là. Par contre, c'est pas comme Toronto, là. Ils ont le talent pour aller la chercher à Las Vegas, mais ça va être difficile. Puis ils se sont compliqués la vie hier. Et pas à peu près. Puis dans le match numéro 3, c'est 2 à 0 pour l'Avalanche dans la série. C'est 2 à 1 dans le match pour l'Avalanche. Il reste 5-6 minutes en troisième. Ils se font marquer deux buts en moins d'une minute, puis ils perdent le match 3 à 2. Et tu sais, si l'Avalanche gagne ce match-là, la série est terminée. Là, soudainement, Vegas gagne les matchs 3 et 4. Et hier, soyons honnêtes, là, 2-0 Avalanche après deux périodes, il n'y a pas grand monde qui se disait que les Knights allaient revenir parce que l'Avalanche dominait, jouait du bon hockey. On a raté une tonne de chances. Et puis là, ben, ce qui devait arriver, arriver. Tu arrives en prolongation, une petite bévue, puis un beau but de Mark Stone. Mais je suis d'accord avec toi que l'Avalanche, je pense, a les ressources pour gagner cette série-là. C'est plus le fait que je me dis, si, évidemment, si c'est les Golden Knights qui affrontent le Canadien, il y a quand même un côté médiatique qui va être fantastique avec Fleury, Marchessault, Pacioretty et compagnie. Et je pense, personnellement, que le Canadien aurait peut-être une petite chance de battre les Golden Knights. Mais je pense que le Canadien n'a pas les ressources nécessaires pour battre l'Avalanche. Ni le Lightning, si jamais il se rend en finale. Mais, tu sais, l'autre chose, Danny, que j'ai hâte de voir, c'est que rappelle-toi comment la fin de la série de Toronto avait permis aux Canadiens de prendre son air d'aller et de ne pas avoir de pause et de pouvoir tout de suite recommencer contre une équipe qui avait les pieds sur le pouf depuis 8 jours. Mais là, ça va peut-être être l'inverse, là, parce que le Canadien est en congé depuis lundi. La série Avalanche Golden Knights pourrait se rendre jusqu'en 7. Alors, ce sera peut-être pas nécessairement un avantage si grand pour le Canadien d'avoir une grande, grande pause. Mais écoute, moi, partisan du Canadien, je suis très, très, tu sais, je suis très sensible à ce qui se passe. Je pense que c'est bon pour le spectacle. Mais je reste convaincu que peu importe si c'est Vegas ou Colorado, le Canadien ira pas une ronde plus. Non, non, non, regarde. Puis moi, je veux Colorado pour deux choses. Puis Samuel Girard, écoute, je suis un gars de la région. Là. Moi, je suis un gars qui aime bien. Écoute, je suis un fan de l'Avalanche, d'une équipe que j'aime beaucoup, puis à cause de Samuel. Puis qui vient de la région, puis c'est quand même le fun. Puis, Canadien nordique, peut-être. Est-ce que les Nordiques. Est-ce que l'Avalanche aurait l'audit de porter le chandail nordique si. Moi, j'aimerais ça. On me dit que c'est pas possible, mais c'est. Je sais pas. Tu sais, ce serait. Mais ça, un match à Montréal, un des deux matchs avec le chandail nordique, ce serait amusant. Ce serait fantastique. Ce serait fantastique. Moi, je disais à la blague, tu sais, je disais aux gens du Colorado, on vous a fait un cadeau au milieu des années 90, on vous a donné un club pacté, puis vous avez gagné la coupe l'année suivante. T'sais. Fait que là, si on peut vous demander en retour un petit service pour les gens qui aiment encore les Nordiques et qui n'aiment pas vraiment le Canadien, ça va être de faire votre travail puis de péter la Comment ça des serait gens de perçu, Montréal, que ça arriverait, hein? Oh, je sais pas. C'est une bonne question. Moi, je pense que ce serait, pour bien des gens au Québec, ce serait peut-être bien vu. C'est peut-être les gens au Colorado qui disent il y a eu un ou deux matchs où ils ont mis. Peut-être eux préfèrent avoir leur propre identité. Écoute, ça fait quand même 25 ans là, qu'ils sont déménagés. Mais comme coup de marketing, ce serait fantastique. Puis rappelle-toi, ils l'avaient fait dans un match préparatoire au Colisée contre le Canadien il y a peux pas. Ça doit faire 10 ans de ça, puis ça avait vraiment été un très bon coup de marketing. Donc, on verra, mais j'ai bien hâte de voir le match numéro 6 parce que Jared Bednar, le coach de l'Avalanche, a été très dur envers son équipe dans les deux ou trois derniers matchs. Puis on va voir si cette équipe-là du caractère, puis justement, a le talent, oui, mais le caractère pour revenir de l'arrière puis gagner les deux derniers. Ouais, donc ça va être. Ils ont les ressources, ils sont capables. Reste à voir maintenant s'ils vont être capables. Je reviens à la série. Danny, je veux juste te dire, avant de parler de Samuel Girard, là, ouais. Et c'est tout un joueur de hockey, Samuel Girard, puis je pense que les prédateurs de Nashville vont le regretter longtemps, cette transaction-là, parce que c'est la fameuse transaction Matt Duchene à trois équipes, puis à un moment donné, on avait envoyé deux ou trois gars, dont Girard, au Colorado, puis c'était pas ça l'important pour l'Avalanche. Au départ, eux voulaient des choix repêchage, des choix de première ronde. Mais c'est incroyable comment ce jeune homme-là est talentueux, mais dans la défensive où tu as évidemment, tu sais, tu as McCart, tu as Taves, tu as Byram et compagnie, puis là, il fit parfaitement dans le moule, et vraiment, vraiment, il fait du bon boulot. Puis je dirais même dans l'ombre, c'est pour ça qu'une série contre le Canadien pourrait être plaisante aussi, parce qu'on pourrait, je pense, pour les gens, découvrir le Samuel Girard que les gens ont vu à Shawinigan, puis les gens qui, comme toi, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, ont eu la chance de le voir jouer. Alors j'espère aussi. Le Colorado qui va avoir la chance de le voir. J'ai dit à Marc Fortier la semaine passée, qui collabore avec moi côté hockey, j'ai dit à Marc que Team Canada doit le considérer sérieusement pour les Olympiques l'an prochain. Dans un style de patinoire olympique, dans un style, Samuel ressortirait encore plus. Oui, mais c'est peut-être la question aussi de savoir parmi les vieux défenseurs qui va aller aux Olympiques. Qui a le goût d'y aller, qui va y aller. T'sais, j'ai toujours en tête un gars comme Shea Weber. Est-ce que Shea Weber a encore sa place avec l'équipe canadienne? Moi, je pense pas. Mais il y a deux ou trois. C'est des gars comme ça. Là. Tu dis, est-ce que Giordano, Weber, je pense que Pietrangelo a encore sa place. Mais après ça, tu as une couple de gars qui étaient là dans les dernières années qui soit n'ont pas le goût, sont rendus trop vieux. Puis après ça, la porte va être grande, grande, grande ouverte. Ça dépend de ce que tu veux. Mais moi, ce que j'aime... Et c'est qu'on semble être un petit peu plus ouvert d'esprit avec les nouveaux membres de qui s'occupent d'équipe Canada et tout ça. Puis je regarde ce qu'on a fait avec l'équipe canadienne au championnat mondial il y a quelques jours, quelques semaines. On n'a pas amené, on a amené les gars qui voulaient être là, des gars qui allaient se défoncer, puis on n'avait pas le plus grand talent au monde, mais on a quand même réussi à gagner une médaille d'or avec ces gens-là, mais avec des gars qui voulaient être là. Puis c'est peut-être ça que l'équipe canadienne va vouloir viser, c'est-à-dire avoir des joueurs qui veulent être là, qui sont talentueux et non pas quelques vieux de la vieille qui, je pense, ont les meilleures années derrière. Non, en tout cas, j'ai bien hâte de voir ce qui est. Mais Girard, écoute, du côté gauche, t'as Vlasic. Ben là, on ne fait pas la démantelature ce matin, là, mais rapidement, là. Vlasic, c'est le Éric Desjardins état moderne. Je pense que Kane Becker a probablement sa place. Maintenant, Chris Letang peut être considéré aussi. Mais du côté gauche, c'est, en tout cas, on va voir, là. C'est sûr qu'il faut faire la liste, il faut sortir la liste, mais il va y avoir une liste qui va sortir sûrement. Mais contre les Jets, ce qui est arrivé, c'est Mark Schafflin. Ça a changé complètement la série. Je suis pas sûr que si cet incident-là n'arrive pas, la série est pas la même. On dirait que ça l'a été. Ouais, j'allais dire, la série sera probablement pas terminée. Ça, c'est certain. Est-ce que le Canadien a gagné la série? Moi, je pense que oui, quand même, parce que le style de jeu des Jets en série. On avait de la difficulté à s'adapter à ce que le Canadien faisait. C'est pas compliqué. Le Canadien, s'ils prennent les devants, là, tu fermes le jeu, puis tu profites des occasions. T'as un bon gardien, t'as un système de jeu pour le faire. Mais moi, je pense, Danny, qu'il va arriver quelque chose à Winnipeg dans les prochaines semaines. Parce que il y a eu un gros malaise à la fin de la saison entre Mark Scheifele et Paul Maurice. À un moment donné, Maurice l'a benché. Il s'est passé quelque chose à l'interne. Puis rappelle-toi, les Jets, à un moment donné, ont perdu 7 matchs de suite en fin de saison. Puis là, on s'est dit, bon, il balaye les Oilers, fait que les choses sont revenues à la normale. Il y a un malaise quelque part dans ce vestiaire-là. Est-ce que c'est Scheifele? Est-ce que c'est Maurice? Est-ce que ça peut être Blake Wheeler qui n'est pas le meneur qu'on souhaite? Il y a un petit quelque chose. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, je pense que les Jets vont devoir sacrifier un attaquant pour se renforcer en défensive. Ils n'auront pas le choix de le faire. Puis soyons honnêtes, qu'il y a quand même plusieurs joueurs qui ont déçu en série, dont Pierre Le Coutois, puis quelques autres qu'on n'a pas beaucoup vu. C'était ma question, c'était mon prochain commentaire. Où était Pierre-Luc Dubois? Tu sais, il y a du monde qui voulait donner Suzuki. C'est là qu'on voit qu'à quelque part, faut être patient. Puis, pour ça qu'on n'est pas directeur général non plus. Mais Carey Price a été le meilleur gardien de but. Pour une fois, Carey Price, moi, je l'ai critiqué souvent, mais Carey Price, écoute, on critiquait parce qu'on ce qu'on voyait au présent. On avait raison de critiquer au présent. Là. Il gardait pas comme le gardien de but qui a réputation. Mais là, forcé d'admettre qu'il a fait la grosse différence. Hey, François, je veux te parler de deux choses, parce qu'on va faire le tour de la NBA également. Moi, écoute, il y a tellement de sports, puis moi, je suis un généraliste. Donc, je ne suis pas qu'un hockey, je parle d'autres choses aussi. Là. Donc, je suis la NBA, je suis assis entre les Nets et les Bucks de Milwaukee. M'a dit en affaire, du côté des Nets, ils ont gagné deux matchs à Brooklyn sans James Harden. On disait que c'était une équipe qui était très, très puissante. Moi, je me disais que les Bucks, c'était probablement l'année des Bucks. Ils avaient appris à gagner. Mais forcé d'admettre que s'ils ne gagnent pas à Milwaukee, je pense que ce soir, le prochain match, ça va faire bizarre un peu. Oh, puis je pense que ça va être le début d'un grand ménage, à commencer par Mike Budenholzer, leur coach, qui est là depuis un petit bout de temps, qui fait du bon travail. Mais moi aussi, j'avais ce feeling-là avec les Bucks, parce que tu vois ça souvent, des équipes qui, pendant 3, 4, 5 ans, ne performent pas en série, qui vont connaître une saison un peu en deçà des attentes. Ils ont été bons, mais ils n'ont pas été extraordinaires. Et je me disais, ils gardent leur énergie, leur focus sur les séries. Ils ont joué une bonne première ronde. Et là, quand James Harden est blessé dans le premier match, tu dis, waouh, là, t'as vraiment les as qui s'alignent pour faire un bout de chemin. Puis, écoute, ils ont été déclassés royalement, même qu'à un certain point, je pense pas que les Nets sentent l'obligation de ramener Harden dans cette série-là, tout de moins pas pour le moment. Là, l'autre question, c'est comment tu fais pour entourer Giannis Antetokounmpo? Et tu sais, on a essayé toutes sortes de choses. T'amènes des joueurs pour l'entourer, mais je pense qu'on se rend compte que un gars comme Antetokounmpo est peut-être pas le gars de série que t'espères, tu sais, parce que c'est pas un gars, c'est un gars souvent pour qu'il ait porté le ballon dans le panier plus qu'un gars qui va lancer de l'extérieur. Puis je trouve que en série, il y a quelque chose qui fonctionne pas. Puis même si on a voulu l'entourer différemment, ça n'a pas fonctionné. Puis écoute, il faut qu'il gagne absolument les deux prochains matchs à Milwaukee, sinon cette série-là est assurément terminée. Ah, j'ai bien hâte de voir ce qui va se passer. Du côté d'Atlanta-Philadelphie, moi, je ne serais pas surpris que ça y aille en 7, parce que Atlanta, c'est plus du tout la même équipe depuis qu'ils ont congédié l'entraîneur. Ils ont un nouvel entraîneur. Ils ont surpris les 76ers lors du premier match. Hier, Philadelphie a gagné. Moi, je ne serais pas surpris du tout de voir cette série-là aller très, très loin. C'est deux bonnes équipes. Ouais. Billy Hawks ont été très bons en première ronde, parce que les Knicks avaient le vent dans les voiles. Je les ai vraiment trouvés non seulement bons, mais tu sais, c'était une série où ça brassait. Il y avait beaucoup d'arrogance. Ils se sont fait crier après à New York. Puis Trae Young et sa gang ont fait vraiment le travail. La question que je me suis posée, c'est qui est mieux équipé entre les Sixers et les Hawks pour affronter les Nets, si tel est le cas? Je pense que ce sont les 76ers, mais en même temps, tu te dis, est-ce que vraiment, tu sais, Ben Simmons, Joel Embiid et compagnie peuvent rivaliser avec un club comme les Nets? J'ai comme des grosses réserves, surtout qu'Embiid n'a pas l'air en plus en grande santé. Mais vraiment, les Hawks, moi, je trouve que c'est une organisation qui a mis beaucoup de temps. Ça fait des années qu'on essaie de se reconstruire. Puis il y a bien des gens qui ont critiqué la sélection de Trae Young, mais finalement, on se rend compte qu'on a une bonne équipe, puis on a du monde autour de lui, là, les Bogdanovic, les Capella et compagnie. Puis on a vraiment une équipe très intéressante. Mais je reste très perplexe à savoir s'il y a vraiment une équipe dans l'Est qui est capable de battre les Nets 4 fois en 7 matchs. Je serais très, très, très surpris. Peut-être un club de l'Ouest, ça, j'y crois. Mais un club de l'Est, j'y crois un petit peu moins. OK, c'est très surprenant, très réfléchissant. On va parler de baseball maintenant. Je veux te parler je vais en parler avec Marc, si j'ai réussi à parler avec Marc Griffin vendredi. Le Canada qui n'a pas réussi à se classer encore une fois pour Tokyo. Et là, moi, c'est la sélection qui me rend perplexe. C'est la sélection. J'ai rien contre Jonathan Malot, j'ai rien contre Zupelli, c'est des bonnes personnes. Sauf que c'est des joueurs qui jouaient même plus. Je pense que Malot, ça fait 3 ans qu'il a accroché son gain. Même chose pour José Pelé. Puis là, tu te ramasses avec l'équipe canadienne qui s'en va essayer de se classer avec ces joueurs-là. Je me pose des grosses questions. Surtout que tu as des joueurs. Il y a plein de monde dans les ligues mineures des Canadiens. À la limite, je donnerais. On disait ça à Classique mondial de baseball il y a quelques années. Quand on voyait Ryan Dempster lancer à 42 ans, on voyait Éric Gagné, c'était la même chose. Tu sais, tu as des gars comme Abraham Toro qui aurait très bien pu jouer. Otto Lopez qui est fait pour 350 dans le 2A. Tu sais. C'est quoi le problème? C'est un problème qui perdure, parce que moi, quand je travaillais pour les Capitales, je te dirais, il y a à peu près une dizaine d'années, c'était une grande réflexion, puis les gens étaient très critiques envers Greg Hamilton et Ernie Witt. Ce sont les deux personnes qui s'occupent d'Équipe Canada depuis très longtemps, parce que à l'époque, on disait, comment ça, je sais pas, je vais te donner un exemple, comment ça Carl Gelina puis quelques joueurs qui jouaient chez les Capitales n'étaient pas de calibre pour aller là, alors qu'on sortait des gars de la retraite. Ça, c'était vraiment le discours qu'on avait. Gélina, t'es dominant, là. Oui. Puis là, 10 ans plus tard, nous autres, à l'époque, on disait, probablement qu'on n'aime pas nécessairement les joueurs du baseball indépendant. Il y en avait quelques-uns qui y allaient quand même. Mais écoute, mais c'est une clique, Équipe Canada. Je veux dire, il faut que tu fasses partie de la gang. Il faut que tu fasses partie des personnes qu'eux aiment. Puis, c'est pas compliqué. Greg Hamilton et Ernie Witt, eux, préfèrent avoir 25 vétérans que d'avoir des jeunes qui sont entiers, qui peuvent progresser, qui ont plus d'énergie, qui ont plus de talent, même, il faut le dire. Puis ça laisse un petit goût amer. Puis je comprends très bien que des gars comme Marlowe, Pelé et compagnie ont accepté l'invitation. Je veux dire, tu peux pas cracher là-dessus. Le Canada est venu à une victoire de passer à la ronde suivante puis de peut-être aller aux Olympiques. Mais il y a vraiment un problème au niveau du choix des joueurs. Puis tu sais, je regardais John Axford est analyste à Sportsnet pour les matchs des Blue Jays. Puis tu le vois, ça habite là-bas. Ça n'a aucun sens. Et avec comme résultat, oui, le Canada a pas mal performé, mais le Canada ira pas aux Olympiques. Mais moi, je pense, Danny, qu'il faut à un moment donné que ces gens-là, les Witt, Hamilton et compagnie, se tassent pour faire la place à la nouvelle génération. Et c'est certain que les équipes doivent donner leur approbation pour que les joueurs y aillent. Mais ça se fait parce que Simon Witt Richardson, qui a un gros prospect, d'ailleurs, tu as fait un papier dessus sur le site de TVA Sport, très bon papier d'ailleurs sur les gros prospects à venir, tu parles de Wander Franco et ainsi de suite. Mais ça se fait parce que Richardson lance pour l'équipe américaine. Alex Manoah, s'il n'aurait pas été rappelé par les Jays, il s'en allait là aussi. Je regarde l'équipe américaine. Il y avait quand même des vétérans, mais il y avait c'est un mélange de vétérans et jeunes. Matt Kemp, c'est encore capable de jouer au baseball. John Jay, Todd Frazier, c'est encore capable de jouer au baseball. C'est une méchante différence. Mais t'avais des jeunes. T'as parlé de Simon Wood Richardson, c'est le plus bel exemple. Je veux dire, c'est un des s'en allait des Jays. Et on se dit, écoute, la seule chose qu'on veut savoir, c'est si on vous les prête, comment vous allez les utiliser. C'est pas de folie parce qu'on veut que les gars reviennent après pour vous aider dans les mineurs, peut-être même dans les majeurs. Mais je pense qu'à un moment donné, les noms que tu as donnés en début, là, les Lopez, les Taureaux et compagnie, puis ça, c'est ceux qu'on connaît. Il y en a une tonne de joueurs canadiens aussi là, qui jouent partout dans le baseball affilié, dans le baseball indépendant, les gars hyper talentueux. Puis je pense, honnêtement, là, avec tout le respect que j'ai pour les joueurs qui étaient là, je pense que si tu t'étais fait une équipe avec les meilleurs joueurs des mineurs, tu aurais été aussi bon, sinon meilleur que l'équipe qu'il y avait sur le terrain. Là, c'est juste que tu aurais eu moins d'expérience et c'est ce que Neewitt semble pas apprécier. Tu prépares l'avenir, par contre? Oui, carrément, mais au moins faire un mélange des deux, parce que, tu sais, je vais même ajouter, il y avait deux, trois joueurs des capitales, l'équipe Québec qui était là, le Connor Panas et Jesse Hodges. Écoute, c'est des gars qui, soyons honnêtes, là, même dans le baseball indépendant, c'est pas des vedettes, là. C'est des gars qui ont déjà fait partie du programme, qui font partie de la clique, puis qu'on a invité, mais à un moment donné, je trouvais que l'équipe en tant que telle, ça faisait pas de sens. Puis je pense même qu'à un certain moment donné, on semblait dire que Philippe Aumont allait se joindre au groupe, puis tout ça, puis là, je veux dire, à un moment donné, Philippe Aumont est rendu fermier depuis 2 ans, puis voyons donc, il y a un manque de logique à travers tout ça, mais il y a une chose, c'est que dans les dernières années, l'équipe canadienne a quand même bien performé sur la scène internationale, donc on pouvait pas, tu sais, dire, hey, ils avaient pas fait les bons choix, ils gagnaient, ils performaient, mais là, tu réussis pas à te lancer pour les Jeux Olympiques, ça veut dire que c'est un échec sur toute la ligne et espérons qu'il y aura une grande réflexion par rapport aux joueurs qui seront choisis pour les prochaines compétitions internationales. En parlant d'Olympique et de qualification, t'as le tournoi de basket, ça va être la première fois qu'on va voir, on ne verra pas au complet, là, l'équipe canadienne de basketball avec les quelques bons... T'sais, c'est une équipe, moi, je le dis à Pascal Jobin, je vais revenir au baseball par la suite, là, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est une équipe qui a le potentiel, avec Nick Nurse comme entraîneur-chef, de surprendre. D'aller chercher une médaille. Donc, on va l'avoir la première fois. Là. On va voir Wiggins, on va voir Barrett. Ils ont confirmé. Il manque Jamal Murray, qui est probablement le meilleur Canadien. Mais ça va être le fun à regarder. C'est le 29 juin que ça commence. Donc, j'ai hâte de voir que ils ont le potentiel pour chercher une médaille. Probablement soit d'argent ou de bronze. Facile. Je reviens au baseball, François. Je veux te parler un petit peu de ton papier. Ça va être le fun de suivre les vedettes, hein, les nouvelles vedettes, les Wander Franco, les Richardson et ainsi de suite, là, les prochaines années. Oh oui, puis tu sais, parce qu'on disait que déjà, là, je pense que le baseball majeur est quand même en bonne main quand tu regardes les moteurs pour les circuits. Là, les Guerrero, Tatis, Acuna et compagnie sont déjà des très jeunes joueurs vraiment talentueux. Mais la suite, écoute, Wander Franco, ça fait 2 ans qu'on en parle. Là. Puis lorsqu'on a échangé Willy Adames, ça t'aime pas. Moi, je pensais que c'était lui qu'on allait rappeler. Finalement, on va patienter encore, mais Franco est en train de brûler les mineurs, puis il y a seulement 20 ans. Donc, tu sais, puis il faut dire que les Rays en ont d'autres aussi. Il n'y a pas juste lui. Ils ont vraiment une organisation en pleine santé au niveau des espoirs. Mais tu regardes les jeunes qui s'en viennent après ça. Puis je pense que le baseball est en très, très bonne main. Mais je fais juste une petite parenthèse, c'est-à-dire que j'ai hâte de voir comment le baseball va gérer sa prochaine crise qui s'appelle tout ce qui est produits illicites utilisés par les lanceurs ouais. améliorer les... Là, je parle de produits illicites, évidemment pas de drogue, mais de produits que tu vas utiliser pour frotter ta balle, pour avoir une meilleure rotation, ce qu'on appelle le spin rate. Et là, ça semble être une espèce de boîte qu'on voulait pas ouvrir, là, parce que là, il y a quelques bons lanceurs qui se sont sentis visés et tout ça. Mais je pense que malgré tout, le baseball est quand même en bonne santé, les bons jeunes s'en viennent, mais il y a une grosse négociation aussi qui s'en vient au mois de décembre pour la convention collective qui va être très, très, très importante pour la suite des événements. C'est ça que je voulais te poser comme question. C'était pas mon sujet. Les Blue Jays, ils reviennent-tu? Après la pause du baseball, là, ils n'ont pas le choix. Ça regarde quand même bien, par exemple. Hein? Ça regarde quand même bien dans le sens où je sais qu'on a parlé de la date là, du 21 juillet comme possibilité. Moi, ce qui m'agace, royalement, c'est le fait qu'on a dit aux équipes de hockey, il n'y a pas de problème, vous pouvez traverser les douanes, il n'y aura pas de quarantaine pour les équipes de la Ligue nationale. Et là, tu as des clubs comme Équipe Québec, tu as des clubs comme les Blue Jays, tu as des athlètes amateurs, tous ces gens-là qui se disent, voyons, pourquoi nous autres, on n'a pas les mêmes règles que tout le monde. Mais je pense que dans le cas des Jays, si les choses continuent à aller de la bonne façon, c'est sûr qu'en Ontario, c'est un petit peu moins positif qu'au Québec. Moi, je pense que ça pourrait se faire. Puis, tu sais, bravo aux gens de Dunedin puis de Buffalo qui ont fait un travail fantastique. Mais je pense que ce serait le fun avec l'équipe qu'ils ont. Puis le fait qu'ils vont probablement être dans la course aux séries, de pouvoir au moins là, à la fin de l'année, si c'est pas au mois de juillet, peut-être un petit peu plus tard. Parce que, tu sais, comparativement à l'équipe Québec, si à la fin juillet, on peut pas, ils vont passer l'année sur la route. Les Jays, si au mois d'août, il y a une ouverture, ils peuvent faire le déménagement à un certain moment donné, ils vont être prêts. Mais je pense que pour le spectacle, ce serait vraiment fabuleux si les Jays pouvaient venir à Toronto. Je pense que le commissaire va mettre et l'association des joueurs vont mettre de la pression tantôt. Oui, probablement, parce que eux aussi, l'association des joueurs prend soin de ses clients, puis je pense qu'il y aura certains joueurs qui sont un peu malheureux d'être toujours dans leur valise, comme c'est le cas depuis le début de la saison. Ouais, ça donne une bonne idée pour les expos, puis tant pas qu'ils veulent revenir. et voilà. Donc, c'est très intéressant, François, ça parle dans une couple de semaines. Salut, Danny, bonne journée. François.